Dans le calme, avec mon équipe, on est posé dans le calme. T'as vu ma carrure, t'as voulu foncer dans le mal. Tu vas prendre un mur, pourquoi donner tant de mal? Plus je résiste et plus tu vas te lâcher. Mais c'est pas de twerker, j'ai d'autres chats à fouetter. Là tu m'amuses, en fait t'es ma muse. J'suis juste un tchatcheur qui use de la ruse. Tu m'envoies ta pote qui elle-même me veut. Tu restes dans mes pattes, donc tu aimes ce jeu. Un pour la mala, deux pour le visu. Tu sais que j'apprécie ton attitude, mais je resterai calme. Je ferai comme si je ne t'avais pas vu. Je resterai calme. Me prendre un bas, je serais malvenu. Donc je resterai calme. Pourtant pour toi, je décrocherai la nuit. Je resterai calme pour mes gavas. Pourtant je veux te tabac, j'espère te voir à la revoir. Aïe, elle est classe, elle est clean. Belle plastique, de quoi faire craquer son jean. Shit, j'apprends la galanterie par mon vieux. Mais dès qu'elle passe après moi, je baisse les yeux. Pas comme toutes ces nanas. T'as les critères pour être ma baby mama. Mauvais garçon, juggleman, pas un voyou. Et ta copine me gêne, bitch, do I know you? Rien à foutre de ce que les gens disent. So please, et par moi leur avis, baby. Si t'es matérialiste, bye bye. Si t'es sérieuse, viens me voir. Let's get it. Pour toi des propositions. Donne ta main sans trop de questions. Tu vois plus loin que les billets de sang. Tu deviens intéressante. Plus d'un gars de mon équipe n'attend que ta voix au corps à corps. Mais personne dans l'illicite, baby, on ne fera rien sans ton accord. Rien à dire sur ton physique, ta maman je félicite. Et si tu ne sais pas qui je suis, tu n'es sûrement pas d'ici. Tu n'es pas comme les autres filles, c'est vrai. Princesse, tu as le charisme d'une dame. Et j'aimerais pouvoir insister, mais le prince d'Adjan m'appelle, donc je resterai calme. Je ferai comme si je ne t'avais pas vu. Je resterai calme. Me prendre un bas, je serais malvenu. Donc je resterai calme. Pourtant pour toi, je décrocherai la lune. Je resterai calme pour mes gavas. Pourtant, je veux te tabac. J'espère te voir à la cover. J't'ai vu bouger ton corps sur du dancehall. J't'ai vu faire parler ta classe sur un air soul. J'aime l'audace de ton parfum, est-ce du Kenzo? J't'emmène avec moi si t'as eu moins de rapport qu'une Benzo. Ma, je sais ce que tu veux. Car en réalité, j'ai ce que tu veux. Donc stop tes manières, stop tes chichis. Fuis-toi à mon expérience, ouais. J'ai connu des Lisa, des Tisha, Camille, Laetitia, Astrid, Axel, Laure et Anissa. Donc prends tes bagages, tous tes accessoires. De benga à cette vibe pour faire pas ce soir. Je ferai comme si je ne t'avais pas vu. Je resterai calme. Me prendre un bas, je serais malvenu. Donc je resterai calme. Pourtant pour toi, je décrocherai la lune. Je resterai calme pour mes gavas. Pourtant je veux te tabac. J'espère te voir à la cover.